Chers téléspectateurs, bienvenue dans les studios du Mur des Lamentations. En Suisse, dans le cadre d'une campagne de vaccination cantonale, le vaccin contre le cancer de l'utérus est proposé gratuitement aux femmes de 16 à 26 ans. Cela est d'autant plus étonnant qu'on a appris qu'en Inde, 6 petites filles sont mortes suite à l'administration de ce vaccin. Le ministre indien de la Santé, M. Gandhi Selvan, a immédiatement stoppé la vaccination contre le papillomavirus humain dans presque tous les États. Pensez-vous que nos fonctionnaires n'en ont pas été informés? Ces deux vaccins, le Gardasil de Merck & Co. ainsi que le Cervarix de GlaxoSmithKline contre le papillomavirus humain, ont aussi joué un rôle dans au moins 67 cas mortels aux États-Unis. Bien que de nombreux rapports sur des décès et de graves effets secondaires après la prise de ces vaccins aient été enregistrés, on continue malgré tout à en faire la promotion. Tant que nos politiciens veulent ignorer de tels avertissements, la population devrait par précaution ignorer les vaccins. Je vous remercie de suivre fidèlement nos émissions et de les propager autour de vous, afin que chaque personne puisse connaître ces faits. Bonne journée.